La situation est actuellement sous contrôle. Nous contrôlons actuellement toute la situation. Vous n'avez donc aucune raison de vous en faire, aucune crainte à avoir. Aucune crainte. D'aucune sorte. Ne commencez surtout pas à vous inquiéter, à émettre le moindre signe d'inquiétude, le moindre signe d'anxiété ou d'angoisse. N'émettez aucun signe d'anxiété ou d'angoisse. Voilà, n'émettez aucun signe. Par précaution, nous vous recommandons de n'émettre aucun signe. Comme un robot téléguidé, j'avance.